Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 7 septembre 2022, il est 20h03. Aviram est de retour au Guatemala Buena et je vais, avant de lui passer la parole, vous lire la clause de non-responsabilité de la Cash Foundation. Le support d'information et d'éducation présenté dans ce document est destiné à apporter une meilleure compréhension et permettre un échange autour du travail des GANS. Ces informations ne sont pas destinées à se substituer à un traitement médical ni à l'expérience ou jugement des professionnels de la santé. Pour les patients et les particuliers, ces informations ne doivent pas se substituer aux conseils ou recommandations des professionnels de la santé, thérapeutes ou autres praticiens. Pour les soins médicaux ou les préoccupations, y compris les décisions relatives aux médicaments et autres traitements, les lecteurs, spectateurs, auditeurs doivent toujours consulter leur médecin ou, dans les cas graves, demander l'aide immédiate des services d'urgence. Les informations portant sur les prescriptions, les procédures et l'utilisation des dispositifs médicaux doivent être fournies uniquement par du personnel médical qualifié et agréé. Nous déclinons formellement toute responsabilité directe ou indirecte, y compris les responsabilités liées à la commercialisation ou à une utilisation spécifique. Cette information est fournie telle qu'elle et est considérée comme correcte au moment de sa publication. Mais il appartient au visiteur d'évaluer l'exactitude de toute information trouvée dans cette présentation. Chaque cas traité est le résultat de sa propre expérience appliquée par lui-même, pour lui-même, et s'applique à son propre cas seulement. Toute personne connaissant des problèmes de santé doit consulter un médecin et suivre le traitement prescrit par le médecin. Les processus d'équilibrage du plasma décrits ici sont un processus naturel qui soutient le corps. Mais ils ne se substituent pas aux conseils médicaux ou aux thérapies auxquelles on est déjà soumis. Amen. Aviram, je te passe la parole. Merci, mon père. le thème d'aujourd'hui, vous lancez les satellites dans l'espace, nous utilisons la... Ah, mais ça, c'est une citation de notre cher Monsieur Keshe. Et elle va réapparaître dans cette multiplication un peu plus tard. Au début de la session, Monsieur Keshe parlait de Mikhail Gorbatchev, qui a subi apparemment la mort biologique, faut dire comme ça, pour ne pas suggérer qu'il est mort. Il est vivant comme nous, sauf nous ne pouvons plus le voir sur le plan matériel. Ça, c'est la seule différence. Donc, si nous augmentons nos capacités de voir différents plans en même temps, on aurait aussi la possibilité de voir Mikhail maintenant aussi. Et en fait, à ce moment-là, on pourrait l'aider beaucoup plus facilement à revenir. C'est ça ce qu'il veut, parce que Grigory Grabovoi nous enseigne que dans sa longue carrière de ressuscitation, il n'a pas rencontré aucun cas où une âme aurait refusé de revenir, parce que les âmes de l'autre côté sont très concernées par l'état du monde sur la planète Terre, au point qu'ils ont très hâte de revenir pour nous aider à régler nos affaires pour que ce bordel mental s'arrête et nous vivons le paradis pour lequel nous sommes destinés. Monsieur Keshe a dit par rapport à Mikhail Gorbatchev que c'était un homme de paix exemplaire, exemplaire dans le sens qu'il a invité tous les dirigeants, dirigeants entre guillemets, du monde de prendre lui comme exemple pour comment animer ou gérer leur politique. Il a dit si il n'avait pas quitté le poste de président vers la fin de Perestroïka, c'était l'ouverture de bloc de l'Est, on peut dire, la transition s'aurait fait beaucoup plus complet et correct. Et un effet de ça aurait pu être qu'il n'y aurait pas eu de conflit en Ukraine aujourd'hui qu'on a aujourd'hui. Donc pour Mikhaïl, on va lui envoyer notre énergie de notre âme, nous donnons de notre âme à celle de Mikhaïl. Prends tout ce que tu as besoin, je suis présent. Ensuite, l'enseignement se fait, je crois, en quatre ou cinq parties aujourd'hui. Tout est lié à la transmutation. La première partie, Monsieur Keshe répétait encore comment la transmutation se fait, que la force de champ de l'âme s'expanse au-delà des limites du mental et au-delà des limites du corps physique. De cette manière, le corps physique et l'âme de la forme physique se trouvent à l'intérieur de l'âme, dans cet état-là, l'âme est en contrôle de notre vie. Par rapport aux expériences de la transmutation, dans la dernière semaine, le taux de gens qui ne pouvaient pas avoir une expérience parce qu'ils n'avaient pas assez d'ouverture est tombé de 20% avant à seulement 5%. La raison pourquoi c'est arrivé, c'est-à-dire beaucoup plus de gens, c'est-à-dire 4 fois plus de gens, sont capables de faire l'expérience dans les unités de vol. Et là, on se demande pourquoi. La raison, selon M. Keshe, c'est que la conscience collective a changé. Là, il faut se rappeler, actuellement à Linz, il y a deux consciences collective. Il y a une, la conscience collective avec laquelle nous vivons tous depuis le début de notre existence. C'est cette conscience collective conventionnelle qui est pleine de virus et de parasites et représentée par les croyances non constructives qui s'y trouvent et qui falsifie notre perception tout simplement. Alors cette conscience, elle est encore active. Et en même temps, les unités de vol créent une conscience collective alternative qui était au début des expériences à Linz était tout simplement nommée base de données. Donc, cette base de données, avec chaque utilisation des unités de vol, devient plus grand, plus puissant aussi. Et sa puissance est fondamentalement plus que la puissance de la conscience collective, parce que elle contient seulement des éléments à la norme, parce qu'elle est créée pendant les gens sont en passé à la au moins à la troisième chaise préliminaire ou est dans l'unité de vol. Et à ce moment-là, pour ceux qui font des expériences, leur âme a déjà expansé au-delà des limites du corps physique, c'est-à-dire ils se trouvent sur le niveau fondamental sur lequel il n'y a rien qui n'était pas à la norme. Ça, c'est important de très bien comprendre ça parce que je ne sais pas si j'ai raison, mais selon moi, le plus grand changement fondamental qui va se faire est justement le remplacement de la conscience collective conventionnelle par cette nouvelle version. Je vais en parler un peu plus tard. Donc, cette base de données, cette conscience collective plus forte, elle peut faire ou elle peut faciliter aux gens de transiter vers moi, je veux voir ça, je veux expérimenter ça, je suis venu pour ceci ou cela, le moi, par simplement se laisser guider par l'équipe qui est là, qui est là pour nous aider, et par Monsieur Kirsch lui-même très très souvent aussi. Dans le contexte, il est important de reconnaître que déjà maintenant, la conscience collective pourrait remplacer la nouvelle, remplacer la vieille, la conventionnelle, si la majorité des gens acquiesceraient ou consentaient à cela. Donc, qu'elle n'est pas en vigueur actuellement, c'est pas qu'elle n'est pas assez forte ou elle n'est pas assez développée ou quoi que ce soit, c'est juste parce que collectivement, nous ne l'acceptons pas encore. Et ça, c'est très simple à comprendre parce que les gens, déjà, le nombre de gens qui connaissent Grigory Grabovoi, la Fondation Keshe, etc., est relativement petit par rapport à un nombre des gens qui existent sur la planète. Donc, ça va prendre un peu plus de temps pour que ça se fasse. En plus, il était observé que les candidats qui ont fait des expériences dans les unités de vol la semaine passée, ils ne voyaient plus le personnel dans leur forme physique. Ils étaient, par contre, complètement et entièrement conscients de leur existence et intervention, parce que sur le niveau de l'âme, ils étaient là tout à fait. Alors ça veut dire que si aussi par rapport à ce qu'on disait avant, par rapport à l'âme à la mort biologique de Mikhail Gorbatchev, si les gens qui sont dans l'unité de vol, pour eux, l'âme ou l'entité de Mikhail Gorbatchev est encore perceptible, c'est juste pour nous quand on n'est pas dans un état approprié à contrôler la réalité, on n'est pas capable d'avoir cette perception-là. Il faut aussi dire que les gens qui ne pouvaient plus voir physiquement le personnel sur place, ça ne les a pas dérangés. Ils n'avaient pas réagi avec consternement ou choc ou peur. Parce que sur le niveau de l'âme, il n'y a pas de peur. C'est juste le mental qui devrait s'adapter. Et dans cette situation, semble-t-il que la situation n'était pas perçue comme une menace pour le mental des gens qui étaient les candidats à ce moment-là. Ensuite, Monsieur Kesh a parlé d'une expérience avec quatre personnes. Le moment, il a entendu des témoignages que les gens ne voyaient plus le personnel. Il voulait faire une expérience qui corrobore ce qu'il pensait, pourquoi les gens ne voyaient pas le personnel. Donc, il a invité quatre personnes. Et les quatre personnes étaient au même temps tout d'abord dans les deux unités. Après un temps d'expérience dans les unités, il les a demandé de se déplacer dans l'espace entre les unités. Et à ce moment-là, ils étaient tous les quatre assis sur les chaises. Non, faut dire, ils étaient entre guillemets tous les quatre assis sur les chaises entre les unités de vol, mais ils ne se voyaient plus non plus. Et ils n'étaient pas dérangés. Donc pour eux, c'était complètement satisfaisant de se percevoir mutuellement au niveau de l'âme et le manque de les voir physiquement ne c'était pas important pour eux. Ça, c'est très important parce que ça c'est là ce que Monsieur Kirsch appelait avant la création de l'enveloppe, c'est-à-dire dès la semaine passée, les unités de vol sont prêtes et à 100% capable de créer l'enveloppe tiré âme dans lequel on peut transmuter, c'est-à-dire transporter, entre guillemets, tout objet ou élément qu'on voudrait, peu importe le poids et la taille. On pourrait transporter un grain de sable, une énergie, un sentiment, une émotion ou une ville ou toute une planète. Alors, Monsieur Kesh était super content, on entendait ça dans sa voix, super content que de cette confirmation que maintenant les unités de vol ont prouvé qu'ils fonctionnent 100% pour être capables d'utiliser pour la transmutation. Et c'est aussi important pour nous de connaître ça parce que ça nous montre comment notre perception va changer une fois nous sommes dans l'espace. Quand on fait des voyages dans l'espace, par la transmutation, la perception de notre corps physique est suspendue, ce qui ne veut pas dire on est complètement suspendu dans le néant et il n'y a plus rien. Pas du tout. C'est juste et là, c'est important. Pourquoi Monsieur Kirsch, dès le début, il a dit, tous les éléments qui existent sont fondamentalement du plasma. Et quand le plasma se ralentit assez lentement, à une vitesse beaucoup plus inférieure, et une un, ce qui est en corrélation avec une force de champ beaucoup plus faible, à ce moment-là, les éléments peuvent apparaître sur le plan matériel. Ce que Heisenberg, un physicien qui a beaucoup travaillé sur la physique quantique, appelait que l'énergie des éléments peut collapser dans un état matériel. Donc pour ça, c'est important, ces expériences pour nous tous, parce qu'on peut apprendre à ce moment-là que une fois on s'est rendu que l'âme supersède le libre arbitre et notre corps physique, à ce moment-là, notre perception changera complètement et ce changement nous dérangera pas. C'est pour nous, ça serait aperçu comme pour les gens qui ont fait l'expérience la semaine passée, comme tout à fait normal. C'est comme ça. Et voilà, Monsieur Kesh était très content d'annoncer que c'est le sommet de la réussite, la preuve à simple, la preuve que les unités fonctionnent à 100%. Et nous partageons sa joie également. Ensuite, il a encore une fois approfondi nos connaissances par rapport à qu'est-ce qui se passe actuellement et de quelle manière le processus de la transmutation. Je vous ai fait une image. Vous voyez à gauche en bas le corps physique qui est dans une enveloppe de l'âme, de la forme physique, ce qu'on en français on appelle aussi l'esprit, et les deux-ci sont enveloppés dans le champ magnétique de l'âme. Voilà. Et le processus de la transmutation se fait par rapport à ces trois parties de notre Trinité de la façon suivante. C'est d'abord l'âme, quand elle est d'accord, de voyager à la destination, et la destination est d'accord de recevoir de l'âme. Le seul critère pour cela, c'est l'évolution, la possibilité d'évoluer pour les deux. Donc l'âme, elle veut en principe seulement des actions ou des événements qui permettent à elle d'évoluer, et les âmes de toute destination ont ce même souhait également, le souhait unique. Donc, quand toutes les deux se rencontrent, l'âme arrive à la destination. Ce qui signifie son consentement. Deuxième phase, la transmutation de l'âme de la forme physique à la destination représente son consentement à faire ça. Autrement, l'âme peut-être être là et si l'âme de la forme physique, c'est-à-dire le libre arbitre, n'est pas consentant, l'âme de la forme physique va pas se rendre, c'est-à-dire le mental ne peut pas avoir expérimenté ou percevoir la destination, et il ne peut plus non plus apporter avec lui des mémoires de cet événement. Et je crois qu'en ce cas arrive, l'âme n'y va non plus. Dans ce schéma, on a fait le processus, on a séparé le processus en trois étapes. Je crois pas que c'est tout à fait correct de faire ça, parce que, au fond, ça devrait se faire simultanément. Pour ça, les 5% des gens qui peuvent pas faire d'expérience, en fait, c'est juste le corps, l'âme de la forme physique, c'est-à-dire le libre arbitre ou le mental ou la personnalité, comment on veut l'appeler, peu importe, ne consent pas. Et à ce moment-là, parce que l'âme a aucun intérêt d'aller ailleurs et le corps non plus, donc c'est la trinité au complet qui devrait consenter. Mais pour comprendre le processus plus clairement, c'est quand même une bonne idée de le séparer. Donc, on a au début l'âme qui se rend, ça signifie le consentement à elle, puis l'esprit qui se rend, et à la fin, quand l'esprit et l'âme ont donné leur consentement, à ce moment-là, la transmutation du corps physique peut avoir lieu. Donc, les 5% qui ne pouvaient pas faire une expérience, même dans le contexte de la simulation de vol, c'est fort probable qu'ils vont avoir le même problème plus tard quand ils refont l'expérience de la transmutation. Sinon, ce qui arrive, ce qu'on a dit, pourquoi le taux de non-expérience est tombé de 20 à 5%, ils ont quand même maintenant plus de chances de faire des expériences parce que le champ, l'âme est plus encouragée, par rapport à l'esprit. Dans cette compréhension de trois étapes, les trois étapes se reflètent aussi dans des particularités technologiques qui s'occupent de chaque ou qui sont employées pour chaque étape-là. Donc, il y a des composants dans l'unité de vol qui sont calibré sur le niveau de l'âme et qui facilite la transition une fois elle a consenti. Il y a d'autres parties de l'équipement qui font la même chose pour l'esprit, qui a une autre force magnétique et une troisième gamme de composants qui vont le faire pour le corps physique à la fin. Donc, chaque étape est reflétée ou représentée par de l'équipement spécifique dans l'unité de vol. Cet tableau ou ce schéma va revenir plus tard dans la session d'aujourd'hui, donc c'est bien de garder ça en mémoire. Dans la deuxième partie de ces explications, Monsieur Kesh parle des champs du système de vol. Il a déduit du fait que la perception des gens ne change pas quand ils se déplacent à l'intérieur et à l'extérieur des unités de vol. Il a interprété ça que l'enveloppe reste stable parce que la perception des gens reste stable. Assis dans l'unité de vol, il ne voit pas le personnel. Il sort de l'unité de vol, il ne voit pas le personnel non plus. C'est juste quand ils font le, entre guillemets, atterrissage après leur expérience. là, ils vont sentir le changement de que ils ne sont plus centrés sur le niveau fondamental, c'est-à-dire de l'âme, mais ils se recentrent sur le plan matériel et ça donne un sentiment pour les candidats de comme atterrisser. C'est très clair et c'est très distinct. À ce moment-là, de toute évidence, ils vont revoir tout ce qui est existant ou qui apparaît sur le plan matériel. Dans l'expérience qu'il a fait, dont je parlais juste avant, des quatre personnes, c'est bien de comprendre aussi que une fois, les quatre personnes étaient dans les unités de vol. Leurs âmes ont créé une âme collective de ce groupe-là. Et ils ont conservé, tout en conservant, faut dire, les âmes individuelles de chacun. Je vous rappelle, la différence entre un amalgame sur le plan matériel, si je prends du cuivre et je fonds du cuivre avec du zinc, je crée du laiton. Le laiton a d'autres particularités que le cuivre et qui le zinc tout seul. Tout d'abord, ça a une autre apparence. C'est plus cuivré que argent. Et il y a plusieurs autres caractéristiques qui ont changé. Avec le laiton, on ne peut plus détecter non plus les qualités du zinc et du cuivre. Par contre, sur le plan plasmique, si on ferait un alliage entre guillemets sur le plan plasmique, ce qui se fait, les caractéristiques des éléments composants sont encore là. Donc, si je prends le même exemple, je fais un alliage plasmique de cuivre et de zinc, les caractéristiques du zinc et du cuivre restent. Et c'est la même chose. Donc, quand un atome, plusieurs atomes créent l'âme collective du molécule eau, par exemple, les caractéristiques sur le plan plasmique, les caractéristiques des composants hydrogène et oxygène restent. Et il s'ajoute les caractéristiques de la nouvelle âme collective qui, dans ce cas, c'est l'eau, ou dans les cas des quatre personnes, c'est l'esprit du groupe. Parce que cette âme pourrait aussi former une âme de la forme physique pour en faire un corps physique. Les âmes sont capables de faire ça. Et à ce moment-là, elles auraient une forme distincte, mais les composants seraient aussi visibles. C'est comme un enfant qui ressemble à son papa et à sa maman de la même façon. C'est-à-dire, celui qui peut percevoir cet être-là peut voir le nouvel être, le papa derrière et la maman derrière aussi. Donc ça, c'est aussi important pour comprendre que même quand on voyage en groupe et on crée, il se crée l'âme groupe qui voyage. Je vais parler de ça dans un autre exemple tantôt. À ce moment-là, nous restons capables de faire nos propres perceptions et d'avoir nos propres mémoires individuelles. C'est-à-dire, quand le groupe de quatre a terminé son voyage en groupe, ils peuvent revenir et chacun peut relater qu'est-ce qu'il a raconté, qu'est-ce qu'il a vécu de sa manière individuelle. Donc, nous gardons notre individualité, notre couleur spécifique, même à l'intérieur d'une âme collective. C'est exactement la même chose, ce qu'on vit tous les jours, parce que nous sommes non seulement une âme collective, une partie de l'âme collective qui s'appelle humanité, ceux entre nous qui vivent dans un couple, et le couple a une âme collective aussi, et qui vivent en famille, c'est l'âme de la famille, qui est perceptible pour tous les membres, mais qui peut des fois superséder la perception de l'âme individuelle ou du mental individuel ou non. Et cette possibilité ou cette observation que les gens ont gardé la même perception, c'est-à-dire le même, ils restaient dans le même état, peu importe s'ils étaient à l'intérieur de l'unité de vol ou dans l'espace entre les unités de vol. Ça veut dire clairement que les champs qui sont actifs pour nous permettre la transmutation sont devenus indépendants des unités de vol. Autrement, la perception changera si les gens quittaient l'unité de vol. Très important cela. C'est un détail avec lequel on va comprendre beaucoup plus dans un instant. Là, Monsieur Kesh, il est venu un couple autrichien que Monsieur Kesh a accompagné personnellement dans l'expérience dans l'unité de vol. Avant leur expérience, ils ont partagé qu'elle voulait aller à Barcelone et lui, il voulait aller à New York. Donc, ça a donné la possibilité que chacun y va de son bord et il n'y a plus de possibilité que les deux vont à la même place, Barcelone et New York, sauf s'ils sont capables à accommoder qu'ils peuvent être dans deux endroits simultanément. C'est-à-dire, ils ont pour avoir cette possibilité, ils doivent avoir une conscience plus structurée. Donc, Monsieur Kesh, il a vu que cette structuration n'est pas là. Donc, il a dit à eux, il a juste suggéré, est-ce que j'ai compris, vous voulez aller dans des endroits différents. Est-ce que vous pouvez trouver peut-être un accord? Est-ce que c'est possible pour vous de trouver un accord? Et ça, c'était pendant les gens étaient dans l'espace de vol. À ce moment-là, arrivait que l'âme de leur couple, l'âme collective de leur couple, a pris le dessus. Et l'âme du couple n'avait ni envie d'aller à Barcelone, ni envie d'aller à New York. Elle avait son propre souhait et suivant le souhait de l'âme, la femme disait, entre guillemets, à son mari, j'aimerais qu'on rentre chez nous, est-ce que tu veux m'accompagner? Et ça, c'est une offre très intense. Parce que rentrer chez nous, ça, on peut comprendre, c'est pas à comprendre, on veut rentrer dans la rue des Cités numéro 39. C'est pas ça. Quand une âme dit, j'aimerais rentrer, est-ce que tu veux m'accompagner? C'est très touchant. Parce qu'elle veut que les personnes rentrent dans l'âme collective. L'homme, sans aucune hésitation, a consenté. Et comme ça, ils avaient tous les deux la joie d'expérimenter, de rentrer chez eux dans le sens le plus profond qui est. C'est-à-dire dans la sécurité de leur vrai foyer, qui n'est pas le foyer de la maison matérielle, mais le foyer de leur cœur et de leur âme. Alors eux, ils pouvaient à ce moment-là faire l'expérience d'être proche ou d'être dans une intimité qui n'est pas atteignable autrement que sur le niveau de l'âme et de l'âme collective de leur couple. C'est génial. Et je vous ai mis à côté gauche un petit schéma que cette âme collective, elle englobait dans ce moment d'accord les deux âmes individuelles du couple, et pour ça, ils peuvent tous les deux très très facilement consenter parce que c'est très clair. Le vœu d'aller à Barcelone et d'aller à New York, c'était pas le vœu de l'âme, ni de la femme, ni de l'homme. C'était le souhait mental. J'aimerais aller à Barcelone parce que j'aimerais aller à New York parce que. Dans les souhaits de l'âme, vous allez observer, il n'y a jamais un parce que. C'est un indice du niveau alors. C'est facile à comprendre. Donc, si quelqu'un nous dit je veux ceci ou cela parce que c'est un souhait mental, tandis que si la personne dit oh, j'aimerais aller là, et tu dis pourquoi, déjà elle ne propose pas de dire pourquoi, c'est juste elle le dit comme ça. Et si, même si nous demandons pourquoi, je sais pas pourquoi, ça m'intéresse pas pourquoi, je veux aller, tu comprends? J'ai besoin d'y aller là. Ça, c'est la différence. Ça vous rappelle comme ça me rappelle, j'imagine, il y a très longtemps, on a eu dans les multiplications la corrélation. Ça s'appelait corrélation du cœur de Greg Braden. Quand on est en résonance avec notre cœur et notre âme, on est branché complètement à notre intuition et notre intuition a jamais de raison parce que les raisons sont complètement mentales et ont rien à foutre sur le niveau fondamental. Et tout ce qu'on a appris dans les deux capsules maintenant, ça a une grande incidence sur le développement de systèmes de vol mobile. Alors, si on prend en synopsis, si on regarde les deux expériences, l'expérience du couple et des quatre aliens, plus les expériences qui ont été faites quand Monsieur Keshe a participé au Plasma Reactor Group de Rick, et il a transmis les champs de l'unité de vol par le réseau des téléphones cellulaires aux participants. Quand on comprend les deux, alors si on comprend A1, l'expérience de la semaine passée, les expériences ont clairement démontré que les champs sont devenus relativement indépendants des systèmes de vol. Et ils ont juste, avant d'être complètement, pas relativement, mais absolument indépendants des unités de vol, des machines. Deuxième point, avec le Plasma Reactor Group et la transmission des champs par le réseau cellulaire qui est matériel. À ce moment-là, ça devient complètement plausible que la Terre entière peut devenir une unité de vol. Pour corroborer ça, Monsieur Keshe a demandé l'inscription de 10 à 20 personnes. À gauche, vous avez une bulle qui dit inscription. Cette bulle contient le lien qui va vous amener à l'endroit où vous pouvez vous inscrire pour cette expérience. Et écrit dans les notes, transmutation spéciale. Alors, Monsieur Kerr cherche 10 à 20 personnes qui vont devenir satellite souls, des âmes satellites. Donc, ils vont d'abord faire l'expérience personnelle de passer à travers la transmutation dans les unités de vol eux-mêmes. Après, ils vont participer comme témoins à expériences d'autres personnes. Et pour ça, Monsieur Keshe a dit dans une phrase juste en passant, les âmes des 10 ou 20 personnes qui vont faire ça sont déjà présents. Ils ont déjà donné leur consentement. Donc, de s'inscrire et de tout ça, c'est juste une formalité. Alors, les âmes, après, ils vont être accompagnateurs pour les personnes qui vont faire les expériences de transmutation. Et la question, pourquoi Monsieur Keshe veut faire ça? Il veut savoir si il est possible que les gens dans le futur peuvent faire l'expérience de vol sans se servir des unités de vol, les machines sur le plan matériel, mais que les champs qui incitent l'âme d'expandre son champ au-delà du corps physique, si les âmes satellites peuvent créer ce champ-là aussi. C'est pour ça que c'est important qu'ils ont fait l'expérience. Et quand ils ont fait l'expérience, ils savent comment faire. Ils ont branché sur la force de champ des unités de vol et à ce moment-là, ils peuvent produire ce champ-là. D'ailleurs, Stefania UC Italia, elle a relaté une dans le l'expérience dans le Plasma Reactor Group, quand elle était branchée par M. Kirsch, elle a senti tout de suite la signature énergétique des unités de vol. C'est-à-dire, nous, on comprend la perception. On sait que la perception ne vient pas de l'extérieur des objets, mais de l'intérieur de nous comme projection sur les écrans qui se présentent devant nous. Alors, on sait que Stefania est, par exemple, tout à fait capable de créer ce champ-là parce qu'elle le reconnaît. Peut-être elle pense même qu'elle reconnaît que le chant est venu chez elle en Italie par le téléphone cellulaire. Si elle comprend aussi, elle suit aussi les enseignements que nous suivons, elle peut aussi comprendre, c'est pas tout à fait ça, c'est plutôt ça que elle est capable de créer le même chant dans sa perception. Voilà. Et dans ce contexte, M. Kirsch dit, j'ai oublié de faire la traduction. Alors, cette citation dit, l'homme envoie des satellites dans l'orbite, dans l'espace, autour de la planète, pour créer un système de communication. Mais les membres de la communauté universelle, c'est-à-dire nous maintenant aussi, utilisons l'âme pour le même but. Qu'est-ce qui arrive là? Oh, ça a cliqué là. Je ne vais pas cliquer ça. Je veux. Oui, c'est ça. Donc, ce Zoom update est comme wow. Alors, maintenant, on va approfondir ça un peu. Il a aussi dit, Monsieur Kirsch, vous avez à comprendre aujourd'hui qu'est-ce que nous développons actuellement à l'INS. C'est ce que nous allons atteindre en tant qu'humanité très bientôt dans le futur. Et là, je vous ai mis une photo de la sphère de vol. Ça, c'est l'unité de vol de la Belle Verte. Vous vous rappelez quand les gens se déplacent dans le film La Belle Verte de Colin Serrault, ils s'accroupissent par terre. C'est comme un geste une position de fœtus. La position de fœtus, c'est complètement non mental, parce que en tant que fœtus, le nouvel être est encore à 100% branché sur le niveau de l'âme. Et ensuite se forme autour de la personne cette boule-là qui s'envole par le positionnement magnétique. Et eux, ils peuvent le faire. Ils n'ont pas d'unité de vol sur la planète, sur la Belle Verte. Donc, vous pouvez voir maintenant aussi que Colin Serrault, en 1997, quand elle a fait le film, ou 99, elle était branchée aux mêmes connaissances que M. Kirsch, c'est-à-dire les connaissances du Créateur, peut-être sans le savoir. Et comment c'est possible que ça se passe comme ça dans la Belle Verte? Et dans ce cas-là, la Belle Verte est juste et seulement une image pour l'état dans lequel nous allons nous retrouver peut-être déjà cette année. Parce que maintenant, c'est possible que le champ généré par les unités de vol peuvent être créés et même multipliés par les êtres humains par nous-mêmes. Donc, il est possible qu'on puisse créer un réseau de vols ou un réseau d'âmes autour de la planète. Et ce n'est pas un réseau comme le réseau créé par les satellites téléphoniques, c'est un réseau qui est seulement existant sur le niveau fondamental et le niveau de transition, c'est-à-dire seulement énergétique et non matériel. Et une fois ça s'est arrivé, ça c'est une moitié de l'équation. L'autre moitié, c'est après, nous avons juste besoin d'être en accord, de consenter avec nos trois trinités, à partir de notre trinité. Et nous pourrons faire les mêmes expériences que les gens font actuellement à l'INS. C'est waouh, hein? C'est incroyable. Dans ce peu de temps, il va être possible pour tout le monde qui y consente d'utiliser la technologie tout le temps. C'est génial. J'ai très hâte. Et je crois que on est juste septembre maintenant. On est le 7 septembre, donc on est début septembre. Ça reste 3 mois, presque 3 mois et plus que 3 mois et demi pour faire ça. Et je crois que nous pouvons accélérer la vitesse si nous nous branchons dans nos pratiques et dans nos méditations et le plus souvent qu'on pense dans la journée aux unités de vol, à l'INS, à Monsieur Kesh, à Grégory, à notre membre dans le Conseil universel, aux âmes satellites qui sont déjà choisies, c'est-à-dire ils sont déjà là sur le plan fondamental, bien que l'expérience n'est pas faite. Mais la corroboration de l'expérience, ça parle du plan matériel qui prend toujours du temps encore. Alors, le processus qu'on a expliqué avant, que c'est d'abord l'âme, après l'âme de la forme physique et après le corps qui consentent et ainsi rendent possible la transmutation. Quand le processus de transmutation est facilité par l'âme satellite, je vous ai fait un autre schéma à côté. Vous avez à gauche le schéma original il y a deux, trois capsules. Et maintenant, ce schéma est élargi ou complété par l'âme satellite. Et là, la transmutation se fait ainsi. Les âmes satellites sont sur le niveau matériel. Quand ils sont à l'INS, il n'y a pas de besoin de ça. Ils sont connectés, ils se voient physiquement. Mais quand ils retournent après chez eux, ils peuvent se connecter pour un premier temps encore avec le réseau mobile. Et ils vont être mis en binôme avec avec des candidats qui veulent expérimenter, et ça prend une certaine affinité qu'ils peuvent ressentir avec ces personnes-là. Ça aussi, c'est temporaire, parce que sur le niveau de l'âme, il n'y a pas de j'aime pas cette personne. Ou cette personne, je ressens comme rien. Si je ressens rien, ça veut dire qu'il n'y a juste pas de connexion. Aussitôt il y a connexion, on aime. Parce que sur le plan de l'âme, c'est pas une amour Barbie, mais c'est l'amour inconditionnel. Ensuite, deuxième étape, l'âme collective de l'équipe décide du but et le personnel de la Fondation Keshe le facilite. L'âme collective, c'est l'âme qui se crée entre le nouveau candidat d'expérience et l'âme ou les âmes satellites. Ensuite, se rajoute l'âme satellite de la destination. Elle, le moment où elle ressent l'âme du candidat, elle va former, elle va comme élargir l'âme collective à trois. Et lorsque l'accord est trouvé sur les trois niveaux, la transmutation sera initiée et complétée au même moment. Donc, on voit ici, c'est exactement le même processus que les sièges préliminaires, vous vous rappelez. Donc, les sièges préliminaires, on a dit au début, on les a compris au début, c'est pour graduellement se mettre de l'état matériel à l'état de l'esprit à l'âme. Mais au fond, c'est juste pour demander le consentement sur chaque niveau. Et à un moment donné, ça, quand c'est le réseau et il est maintenant, toutes ces étapes sont là, l'affinité doit être installée et toutes ces choses-là. Ça, c'est temporaire parce que ça convient plus à notre esprit de comprendre la chose. Pour nous, c'est beaucoup plus facile de comprendre, ah oui, je peux aider quelqu'un sur le plan émotionnel et âme lorsque je ressens une affinité avec cette personne-là, et ça serait difficile si je ne ressens pas ça. Ça, c'est temporaire, juste qu'on vit plus souvent sur le plan fondamental de l'âme, et à ce moment-là, on serait beaucoup plus habitué à l'amour inconditionnel qui ne fait pas des distinctions comme ça. Monsieur Keshe a dit aussi, avant aussi, quand il déjà parlait de transmutation mobile, que cette technologie était déjà employée à plusieurs reprises dans le passé quand il y avait des catastrophes naturelles, entre guillemets, dans l'espace profond, où il fallait évacuer toute une planète, par exemple. C'était fait de la même façon. C'est des âmes satellites qui étaient là, qui ont créé une enveloppe dans laquelle ils ont emballé la planète pour la soit suspendre jusque le danger a passé, soit rematérialiser dans un autre espace de l'univers. Monsieur Kirsch a dit aussi que ça va être un outil avec lequel le conseil universel qu'il a instauré va travailler beaucoup. Aussi, s'il y a encore des catastrophes, soi-disant naturelles, sur la Terre, et je crois de plus que ce réseau des âmes satellites se forme autour de la planète, le moins de chances des catastrophes soi-disant naturelles ou faites par l'homme auront lieu. Parce que notre climat, notre état d'être, si on veut, va être de plus en plus à la norme par le fait que Ce réseau autour de la Terre va être tout à fait à la norme parce qu'il existe avant tout sur les niveaux de l'âme. Et ça, là, je veux reparler de notre système d'exploitation. Je fais un autre système que Hélène Laporte dans ses enseignements. Elle dit il y a quatre composants de l'être humain. L'âme, l'esprit, conscience et corps. Pour moi, ça fait beaucoup plus, c'est un peu plus facile de faire juste trois. L'âme, l'esprit et le corps. Et pour moi, je peux comprendre la conscience comme le système d'exploitation de notre esprit. Si on compare notre esprit à un ordinateur, le système d'exploitation, c'est-à-dire le Windows ou le Mac OS de notre esprit, c'est la conscience qui peut être structurée et non. Et la conscience maintenant, encore, elle travaille beaucoup, elle dépend beaucoup d'un vieux mode, d'une vieille version originale de système d'exploitation, notre conscience collective conventionnelle, qui était jamais mise à jour, qui est plein de virus et d'autres parasites, qui est trop vieille et maintenant nous sommes rendus à un moment où il faudrait juste effacer la vieille pour la remplacer par la nouvelle. Un nouveau système d'opération de notre esprit. À droite, vous avez la possibilité devient de plus en plus grand chaque jour. À droite, je vous ai mis qu'est-ce que fait cet système d'opération. Elle peut être à gauche, en gris, vous avez le vieux système d'exploitation qui crée un esprit non structuré qui peut être faussé, qui peut avoir des perceptions erronées, etc. Et à droite, vous avez la conscience collective à la norme, c'est ce que M. Kirsch appelle la base de données. Elle va permettre à l'esprit de fonctionner sans faille, sans défaut, et ainsi créer une perception tout à fait à la norme dans laquelle nous voyons le monde, la réalité dans laquelle nous vivons exactement comme le Créateur. Une petite histoire, Monsieur Kesh nous a raconté à la fin que ça fait maintenant presque exactement 10 ans que la Fondation Kesh voulait déjà montré la fameuse voiture volante, the flying car. Et à cette époque-là, la veille de la démonstration de la voiture volante, le gouvernement belge a fait une descente sur les laboratoires et elle a littéralement volé tout l'équipement pour que cette expérimentation ne peut pas avoir lieu. Et il y a 10 ans, ils avaient leur initiative Hooligan était couronnée de succès. Il n'y avait pas de démonstration de voitures volantes pendant 10 ans. Et pendant ces 10 ans-là, Monsieur Kirsch a développé une façon de présenter la même technologie que dans la voiture volante, mais d'une façon que la technologie soit inviolable. Et ça montre déjà l'intervention du gouvernement belgique, qui est juste l'exécutif du roi de Belgique, qui est pédophile et sans scrupules. Déjà, d'être pédophile, ça prend un prérequis pour être pédophile, c'est de ne pas avoir des soucis, du respect ou de l'éthique ou de se soucier de ces choses-là. Mais ça veut dire que même à l'époque, il y a 10 ans, le gouvernement belge et cette conglomérat qu'on peut appeler la cabale avait super peur de cette technologie parce que cette technologie représente la fin, leur fin, la fin de leur abus de pouvoir. Oui? C'est très clair parce que on le sait, quand tout le monde est, quand ce réseau autour de la Terre est établi et tout le monde se réveille le matin, whoops, wow, je vois le monde différemment. Ça veut dire, oh, ceux qui suivent les multiplications vont dire, oh, mon système d'exploitation est changé. Yippee, je peux voler. Je peux transmuter. Et à ce moment-là, personne va utiliser des avions, des trains, des voitures et des choses comme ça, ni pour envoyer eux-mêmes, ni pour envoyer quoi que ce soit. C'est-à-dire, le pouvoir des gouvernements est terminé. Et ils ont très peur de ça. Donc, ils vont tout faire pour l'éviter. Et maintenant, c'est trop tard. Parce que les 10 âmes ou 10 ou 20 âmes sont déjà choisis et ça veut dire ils sont déjà actifs, c'est-à-dire le réseau autour de la planète est en train de s'établir. En fait, il est déjà établi. C'est juste que ça prend un peu de temps pour qu'il se manifeste sur le plan matériel. Voilà. Et maintenant, mes amis, comme d'habitude, Christine nous donne un bulletin chaque semaine aussi. Et vous pouvez maintenant faire ce qui est juste et bon pour vous détendre pendant que je vous lis son texte qui est intitulé « Transition ». Vous pouvez avoir les yeux fermés ou ouverts. Vous n'avez pas besoin de comprendre même ce que je vous lis. C'est juste la musique de ma voix peut être la transmission directe. Chers amis, la Terre se trouve dans une phase de transition. Et la Terre, c'est nous. Nous sommes tous les deux en train de changer. Durant cette période, il se peut qu'il y ait des troubles et des moments où nous nous trouvons dans l'incertitude et où nous ne pouvons pas encore voir comment les choses vont évoluer à long terme. Où nous ne pouvons pas voir que cette histoire finira bien. Cela ne peut pas être totalement évité pour le moment, car notre conscience peu structurée ne nous permet pas encore de voir le beau nouveau monde déjà. Cependant, à un niveau supérieur ou plus profond, le nouveau monde est créé déjà par nous. Et ce, à chaque fois que nous faisons quelque chose avec amour et conscience, chacun dans la mesure de ses possibilités. Le nouveau monde n'est pas créé en attendant que l'ancien système collapse ou qu'un Messie vienne nous sauver. Bien sûr, nous avons de l'aide. Bien sûr, il y a des miracles qui peuvent se produire. Mais nous ne devons pas oublier que nous pouvons aussi faire quelque chose nous-mêmes. C'est en effet très important que nous le fassions. Chaque fois que nous servons le salut global, nos forces s'unissent. Et c'est ainsi que nous créons partout des oasis de lumière qui ne cessent pas de s'agrandir jusqu'à ce qu'elles remplissent l'univers entier. Avec tout mon amour, votre Christina est un peu Avira. Avec cela, j'ai terminé ma part active de cette multiplication. Je vous remercie beaucoup de votre soutien, je me sens porté par vous et de votre amour qui rend possible la merveillosité de nos multiplications chaque mercredi. Merci beaucoup. Je vous redonne le microphone pour vos questions et aux commentaires. Merci.